tapis, je prends son ligne des péchés. Râler sous la bûche, cache fais pas la fête, je veux une machiquista. On se couche ta roquette, Tomatrix, il parle tu comme pété mignon. 3 ans de plus ou de moi, je vais te cogner. Audition libre comme d'hab, j'ai tout nié. Un 3 points, je te parle pas le panier. Je te parle du bénéfice que j'ai épargné. Un bolo qui vient par là, lui c'est pour la fée, j'ai pas besoin de parler. Mon ex veut me reparler, ce qu'à la page, pense aux darons qu'on parle par lui. Du temps, j'en ai grave perdu, je vais tout prendre, je vais te prouver que t'es perdant. Jaloux contre moi, t'as une dent, coup de coude dans ta mère et ça va t'arracher. T'as touché, t'as fait des arrachés, ton billet, ça faisait de la monnaie au marché. Jaloux contre moi, t'as une dent, coup de coude dans ta mère et ça va t'arracher. T'as touché, t'as fait des arrachés, ton billet, ça faisait de la monnaie au marché. T'es mal 530, un tireur, ça fait bang, bang, bang. On a repris terrain, t'es sorti, t'es devenu dang, dang, dang. T'es mal 530, un tireur, ça fait bang, bang, bang. On a repris terrain, t'es sorti, t'es devenu dang, dang, dang. T'es devenu dang, dang, dang. Oh, ça fait bang, bang, bang. T'es devenu dang, dang, dang. Oh, ça fait bang, bang, bang. T'es max 730, un tireur, ça fait bang, bang, bang. On a repris terrain, t'es sorti, t'es devenu dang, dang, dang. Je suis en T-Max, donc ça qui donne. J'ai pas de GPS pour me guider. Toi, tu penses que je vais te sucer. Faut qu'on t'aille, ta fille, tu veux fitter. Impossible de me faire fuiter. La Skoda vénère tape la fuiteur. Défoncé dans le bas, tape une fuiteur. Je les mange tous sans cuillère, mec. Nouveau temps pour nouvelle plaquette. Je connais pas ta tête, j'en fais à 2,7. À 220 volts, 27. Mon roi, il a le manche, il veut styler tech. Contrôle, il touche vers ma bite. En plus, il m'écrase ma paire avec sa botte. Viens même avec tous tes potes. Il sort le juju que des Usain Bolt. Avec moi, tu fais la pute. Mais avec mon pote, tu veux faire la hlène. Arrête donc tes sautilles. Tu vas goûter, ça sauve pas de la béchamel. Tu crois que t'es méchant, bête. Tu mérites balayer, demande à Jaël. J'suis dans le rat, ça date pas d'hier. Les bacs que nous gaz, ils prennent pour Hitler. T'es max 530, tu viens, ça fait bang, bang.